chiki chiki da, chiki chiki da, chiki chiki da, chiki chiki da. Elle a le regard qui tue, qui tord, cheveux longs comme le kita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas, chiki da. Les lits d'à côté, je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP, me prend pour un mec mortel. C'est pas si elle se manque avec moi, j'ai une Instagram. Prends mon sang pour mon Facebook, moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait l'attendre la madame. J'ai rien pour ça, moi je vis toujours dans la jambe. Je danse dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je danse dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Elle a le regard qui tue, qui dort. Cheveux longs comme Tropical Magic.